Pépère avec un verre, on tape des barres. Dosé, sévère comme un poteau qui brûle un sbar. Viens pas faire chier avec tes lois, avec le droit, avec tes sous. Tu savais comme on en rigole entre nous. Et puis je tripe avec mes graines, elles poussent avec le son. Et tu sais quoi, politico, elles ont même des surnoms. Elles nous rendent plus heureux que vous, et ça pour tous les gens. Jamais elles mentent, jamais elles sentent qu'avec la vie elles peuvent faire sang. Comme un barbare sur le terre-terre, qui croit que faire le monde fera toujours partie des règles. Comme un bâtard qui se laisse faire, mais le solo est mort quand le multi va comme un aigle. Parce qu'il paraît qu'on est fou, fou, fou. Regardez-vous en face, vous, vous, vous, dans vos palais de glace. Un imbécile qui marche ira plus loin qu'un chef d'état. Si, si, si, si, si, si, si, si. Mais il y en a de leçons qui nous parlent de raison. Mais regardons ta vie. Tu nous parles de maison, mais tu voles le béton. Garde au moins ton mépris. Tu parles de règles, mais pas pour toi et pour ton règne. Tu parles de foi, tu parles de paix, mais je n'y crois pas. Crois-moi, je sais que toutes ces fois, tu nous mens. Et tu sens qu'avec l'argent, tu vis. N'aie pas l'idée d'un cosmonaute pour aller toucher les étoiles. Ne pense pas comme un rebeu sur un plateau. Tu dévoiles, écoute ta mère quand elle te dit que 2010 c'est bien pourri. Regarde cette merde qui nous démange, on fume de l'air pour qu'elle nous venge. N'aie pas l'idée de faire la paix avec un gardien et son gun. On nous engueule, on nous embarque, un coup de matraque dans la gueule. Et surtout pas, on veut la paix, on veut des frères et des bars se taper. Mais c'est la merde quand on vous perd à retaper le pâté. On veut un juif qui brûle son bif et qui est contre la terre-mère. On veut un buzz pour un poteau qui le raconte de la merde. On veut des biftons pour ce mendiant sur terre-terre. Pour cette femme qui se laisse faire, pour cette pute qui se libère. On veut des bastons entre les gens qui créent les guerres, qui n'ont pas d'âme et pas de mère, qui nous condamnent quand même. Le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit. Mais donneur de leçons qui nous parle de raison. Mais regardons ta vie. Tu nous parles de maison, mais tu voles le béton. Garde au moins ton mépris. Tu parles de règles, mais pas pour toi et pour ton règne. Tu parles de foi, tu parles de paix, mais je n'y crois pas. Crois-moi, je sais que tous ces fois, tu nous mens. Et tu sens qu'avec l'argent, tu vis. Babylon, Babylon, Babylon. Babylon, Babylon. Bagdad, Gaza, des places qui se libèrent. Mais là-bas, Black passe la chasse aux solitaires. On tape des frères au lieu de parler avec eux. Et toi, sois fier que sur la paix on se tape des queues. Bagdad, Gaza, des places qui se libèrent. Mais là-bas, Black passe la chasse aux solitaires. On tape des frères au lieu de parler avec eux. Et toi, sois fier que sur la paix on se tape des queues. Mais donneur de leçons qui nous parle de raison. Mais regardons ta vie. Tu nous parles de maison, mais tu voles le béton. Garde au moins ton mépris. Tu parles de règles, mais pas pour toi et pour ton règne. Tu parles de foi, tu parles de paix, mais je ne crois pas. Crois-moi, je sais que toutes ces fois, tu nous mens. Et tu sens qu'avec l'argent, tu vis.